Du vent dans mes voiles. J'ai vu l'autre jour, en passant devant chez mon voisin, une Renault 4L moyenâgeuse dans son jardin. Actuellement, mon fils est en train d'apprendre à conduire. Pas un jour, ou presque, sans qu'il ne nous parle du modèle de sa future voiture. Eh, Mitsuba par-ci, eh, Toyota par-là, sans compter les options. Alors, bien sûr, tout cela me ramène quelques décennies en arrière, quand j'ai moi-même passé mon permis et acheté ma première voiture. Le jour où je réunis assez de petits sous, je me suis mise en quête d'une auto-école à Grasse, Alpes-Maritime. Je ne sais pas si vous connaissez les rues de Grasse. Comme Lausanne, la bourgade est construite sur une, voire des collines. Grasse étant une des, sinon la capitale française du parfum, il y traîne ça et là toutes sortes d'effluves. Quand on roule sur les bouches d'égout, pour peu que votre voiture rouille du plancher, ce qui arrive à peu près à 90% de toutes les 4L, voilà tout un monde olfactif qui s'ouvre à vous. Un jour, vous roulez sur du muguet, le lendemain sur des roses, le suivant sur du mimosa ou du citron, et parfois même sur de l'ail. Aïe ! C'est déjà moins drôle. Mais ces rues ne se contentent pas d'être odorantes, elles sont aussi très étroites, sinueuses et raides. Je suis donc devenue rapidement championne du démarrage en côte. Je suis aussi devenue rapidement amie avec ma monitrice d'auto-école. Que voulez-vous, je n'y peux rien, je suis sympa. En avons-nous passé des samedis soirs à écumer les petits bals. Au retour, celle qui affichait le taux d'alcoolémie le plus bas conduisait. Votre servante, quoique pas toujours à raison, s'y collait donc le plus souvent. Ça n'a l'air de rien, mais ça cumule les heures de conduite tout de même. « La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre », me disais-je encore en écoutant mon fils essayer de nous convaincre, il y a réussi, d'acheter son futur véhicule bien avant d'avoir passé son permis. 37 ans plus tôt, profitant d'un court voyage de mes parents, j'avais, sans attendre non plus le précieux sauf-conduit, répondu à une petite annonce et pris rendez-vous avec les vendeurs. Un père et son fils, de ma première automobile. Caisse, bahut, guimbarde, roulante, choisissez. La liste n'est pas exhaustive. En réalité, une Renault 4L presque de collection. J'avais 20 ans à peine. Un peu naïf peut-être, mais est-ce un tort? Ils m'ont fait visiter l'intérieur. Impeccable. Tout était beau et très bien entretenu. La couleur me plaisait, le cendrier était vide. Ils ont soulevé le capot, rien à redire, le moteur y était. Pareil pour le coffre. Plein de place, en veux-tu, en voilà. Pour la bonne forme, le jeune homme est allé prendre une manivelle, histoire de me faire entendre le doux ronron des pistons. Magnifique! Tout semble aller comme sur des roulettes, et pour cause. Topé là, j'achète. Voici mon chèque, et il n'est pas en bois. Au revoir, messieurs. Bien du plaisir, mademoiselle. Bien sûr, comme presque tout le monde, j'ai échoué la première fois à l'examen pratique. Il faut bien que l'État rentre dans ses fonds. Si l'on se mettait à donner le permis à tous ces jeunes inconscients du premier coup, où irions-nous? Pour le col, ça avait été tout seul, par contre. J'avais même eu l'immense plaisir de croiser à la sortie de l'épreuve théorique un amoureux potentiel qui m'avait été conduit autrefois et qu'il avait raté son examen. Bien fait pour lui. Et puis, un mois plus tard, à la deuxième tentative, on me l'a remis finalement, mon petit papier rose. C'était en 1976. Mon sésame en poche est donc légalement le droit de m'asseoir du côté conducteur de mon tant attendu cercueil à roulettes. Je n'attends plus, j'y vais. Un petit coup de manivelle, le moteur tourne, j'ai le poignet luxé, mais pas assez pour ne pouvoir enclencher la première. Je déboule sur la route nationale et tout s'arrête. Heureusement, nous sommes alors au sommet d'une pente suffisamment raide. Il me suffit de baisser le frein à main et en avant, Germaine. Un garage solidaire, inopinément situé juste en bas de la pente en question, m'accueille. J'y prendrai carrément pension vu le temps que mon carrosse y passera désormais et jusqu'à ce qu'il rende l'âme définitivement. J'ai positivement adoré conduire. Et ce furent, entre deux visites au garage, les débuts d'une bien jolie aventure. Ah, ressortir dans la nuit après le film du soir et roulait jusqu'aux terrasses de plaques acier pour admirer la Voie lactée. Descendre jusqu'au bord de la mer par une journée pluvieuse et regarder les eaux du ciel et de la mer s'épouser. Enlever mon futur mari pour lui montrer comme je conduis bien, n'est-ce pas, et le regarder se débattre entre vitesse au volant et frein à main dans ses vaines tentatives de flirt. J'en souris encore aujourd'hui. Partir à la découverte des petites routes de Provence qui fleurent bon le thym et la lavande, s'arrêter dans les criques peu fréquentées pour une baignade rafraîchissante. Et j'en passe. J'aimerais tout de même profiter de la présente histoire pour faire mes plus sincères excuses à ce pauvre clébard que j'ai heurté une certaine nuit et dont le « caille, caille, caille » hante parfois mes oreilles. Ce fut mon premier et dernier délit de fuite. J'espère qu'il y a prescription. Oui, l'un dans l'autre, j'ai aimé toutes les voitures que j'ai pu conduire après celle-là. On oublie aussi peu sa première voiture que son premier amour, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas oublié non plus la Fiat 125, la Peugeot 504, la Mustang 8 cylindres en V, toutes ces petites merveilles décapotables. La plus jolie étant finalement la poussette 4x4 de mes petits, pour laquelle je n'ai eu aucun regret d'abandonner toutes les autres. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.